L'infante m'a fait part des propos monstrueux que vous lui avez tenus. Maintenant, écoutez-moi. Je suis là de mon trône, de ma cour, de mon peuple. Mais il y a aussi quelqu'un dont je suis particulièrement là, Pedro. C'est vous. Il y a tout juste 13 ans que je suis là de vous, Pedro. Bébé, je l'avoue, vous ne me reteniez guère. Puis de 5 à 13 ans, je vous ai tendrement aimé. La reine, votre mère, était morte, bien jeune. Votre frère aîné allait tourner à l'hébétude et entrer dans les ordres. Vous me restiez seul. 13 ans était l'année de votre grande gloire. Vous avez eu à 13 ans une grâce, une gentillesse, une finesse, une intelligence que vous n'avez jamais retrouvée depuis. C'était le dernier et merveilleux rayon du soleil qui se couche. Seulement, on sait que dans 12 heures, le soleil réapparaîtra. Tandis que le génie de l'enfance, quand il s'éteint, c'est à tout jamais. On dit toujours que c'est d'un ver que sort le papillon. Chez l'homme, c'est le papillon qui devient un ver. À 14 ans, vous vous étiez éteint. Vous étiez devenu médiocre et grossier. Avant, Dieu me pardonne par moments, j'étais presque jaloux de votre gouverneur. Jaloux de vous voir prendre au sérieux ce que vous disait cette vieille bête de Don Cristoval, plus que ce que je vous disais moi-même. Je songeais aussi, à cause des affaires de l'État, il me faut perdre mon enfant, je n'ai pas le temps de m'occuper de lui. À partir de vos 14 ans, j'étais bien content que votre gouverneur me débarrassât de vous. Je ne vous ai plus recherché, je vous ai fui. Vous avez aujourd'hui 26 ans. Il y a 13 ans que je n'ai plus rien à vous dire. Mon père. Mon père. Durant toute ma jeunesse, ces mots me faisaient vibrer. Il me semblait, en dehors de toute idée politique, qu'avoir un fils devait être quelque chose d'immense. Mais regardez-moi donc. Vos yeux fuient sans cesse pour me cacher tout ce qu'il y a en vous qui ne m'aime pas. Ils fuient pour vous cacher la peine que vous me faites. Vous savez bien que je vous aime. Mais ce que vous me reprochez, c'est de n'avoir pas votre caractère. Est-ce ma faute si je ne suis pas vous? Jamais, depuis combien d'années, jamais vous ne vous êtes intéressé à ce qui m'intéresse. Vous ne l'avez même pas faim. Si, une fois, quand vous aviez votre fièvre tierce et croyiez que vous alliez mourir, tandis que je vous disais quelques mots auprès de votre lit, vous m'avez demandé, « Et les loups, en êtes-vous content ?» Car c'était alors ma passion que la chasse aux loups. Oui, une fois seulement, quand vous étiez tout affaibli et désespéré par le mal, vous m'avez parlé de ce que j'aime. Vous croyez que ce que je vous reproche est de n'être pas semblable à moi? Ce n'est pas tout à fait cela. Je vous reproche de ne pas respirer à la hauteur où je respire. On peut avoir de l'indulgence pour la médiocrité que l'on pressent chez un enfant. Non pour celle qui s'étale dans un homme. Vous me parliez avec intérêt, avec gravité, avec bonté, à l'âge où je ne pouvais pas vous comprendre, et à l'âge où je l'aurais pu, vous ne m'avez plus jamais parlé ainsi, à moi, que dans les actes publics, vous nommez mon bien-aimé fils. Et parce qu'à cet âge-là non plus, vous ne pouviez pas me comprendre. Mes paroles avaient l'air de passer à travers vous, comme à travers un fantôme, pour s'évanouir dans je ne sais quel monde. Depuis longtemps déjà, la partie était perdue. Vous êtes vide de tout, et d'abord de vous-même. Vous êtes petit et rapetissez tout à votre mesure. Je vous ai toujours vu abaisser les motifs de mes entreprises, croire que je faisais par avidité ce que je faisais pour le bien du royaume, croire que je faisais par ambition personnelle ce que je faisais pour la gloire de Dieu. De temps en temps, vous me jetiez à la tête votre fidélité. Mais je regardais à vos actes, et ils étaient toujours misérables. Mon père, si j'ai mal agi envers vous, je vous demande de me le pardonner. Je vous le pardonne, mais que le pardon est vain. Ce qui est fait, est fait. Et ce qui n'est pas fait, irrémédiablement. Et puis j'ai tant pardonné tout le long de ma vie, il n'y a rien de si usé pour moi que le pardon. D'autres ont plaisir à pardonner. Pas moi. Oh. Ah. Ah. Enfin, nous voici dans une affaire où vous pouvez réparer beaucoup. Je ne reviens pas sur votre conduite incroyable de vous refuser depuis des années à prendre l'esprit et les vues de votre condition, de vous échapper toutes les fois que je vous parle d'un mariage qui est nécessaire au trône, de me sceller encore votre détermination ces jours derniers pour la révéler brutalement à l'infante, au risque du pire éclat, avec une inconvenance inouïe. Je connais peu Inès de Castro. Elle a de la naissance, bien que fille naturelle, on parle d'elle avec sympathie, et je ne lui veux pas de mal. Mais il ne faut pas qu'elle me gêne. Un roi se gêne, mais n'est pas gêné. Que prétendez-vous faire contre elle ? J'agirai avec vous doucement parce que c'est le meilleur moyen, selon moi, d'obtenir ce que je veux. Je pourrais exiler Doña Inès ou vous interdire de la revoir. Je ne le ferai pas. Puisque les Africains ont apporté chez nous un peu de leur coutume et que même à la cour, l'usage s'est établi qu'un homme est une amie régulière en outre de son épouse légitime, épousez l'infante et ne vous interdisez pas de rencontrer Inès avec la discrétion convenable. L'infante prévenue y trouvera d'autant moins à redire qu'en Navarre aussi, le concubinage est formellement autorisé par la loi. Elle aura le règne, et le règne vaut bien ce petit déplaisir. Elle ne vous aime pas non plus que vous ne l'aimez, ce qui est bien la meilleure condition pour que votre union soit heureuse à l'état, et même heureuse tout court. Vous m'entendez ? Je veux que vous épousiez l'infante. Elle est le fils que j'aurais dû avoir. Elle n'a que 17 ans, mais déjà son esprit viril suppléera au vôtre. À votre sens, l'État marche toujours assez bien quand il vous donne licence de faire tout ce que vous voulez. Gouverner, vous êtes odieux. L'infante, elle... Enfin, je l'aime. Elle m'a un peu étourdi des cris de son orgueil quand elle dansait devant moi le pas de l'honneur. Ma foi, elle ne touchait pas terre. Mais elle est brusque, profonde, singulière, et cette énergie pleine d'innocence. Son visage est comme ces visages de génies adolescents qu'on voit sculptés sur les cuirasses, et qui, la bouche grande ouverte, crient éternellement leur cri irrité. C'est elle, oui, c'est elle qu'il faut à la tête de ce royaume. Et puis, songez à quelle force pour nous, le Portugal, la Navarre et l'Aragon, serrant la Castille comme dans un étau. Oui, je suis passionné pour ce mariage. Quand tout concourt à ce point à faire qu'une chose soit bonne, il ne faut pas s'y tromper. Dieu est derrière. Moi, le roi, me contredire, c'est contredire Dieu. Mais le contredire en cette affaire-ci, c'est me contredire deux fois. Vivre parti avec l'infante et parti avec Inès ? Vivre déchiré entre une obligation et une affection ? Je ne vois pas là déchirement, mais partage raisonnable. Je n'ai pas tant de facilité que vous à être double. Je me dois à ce que j'aime et qui m'aime. Et ne m'y dois pas à moitié. Il n'est donc que votre plaisir au monde ? Mon plaisir, mon amour. Il coïncide, malheureusement. Il y a une autre raison pour laquelle je ne peux épouser l'infante. Laquelle ? Et puis, non. Quand je le pourrai, je ne veux pas nous sacrifier, moi et un être que j'aime, à des devoirs dont je ne me connais pas l'importance, mais auxquels j'ai le droit d'en préférer d'autres. Car il y a la vie privée. Et elle aussi est importante, et elle aussi a ses devoirs. Une femme, un enfant. Les former, les rendre heureux, leur faire traverser ce passage de la vie avec un bonheur qu'ils n'auraient pas eu sans vous. Est-ce que cela aussi, ce n'est pas important ? Étrange parole. Vous n'apparaissez jamais ni Dieu ni le royaume, alors que vous êtes chrétien et demain serez roi. Chrétien, je dis, la destinée d'un être importe autant que la destinée d'un million d'êtres. Une âme vaut un royaume. Tant d'idées au secours d'un vice. D'un vice. Vous avez une maîtresse et ne voulez rien voir d'autre. Là-dessus, il faut que l'univers se dispose de manière à vous donner raison. J'ai 40 années peut-être à vivre. Je ne serai pas fou. Je ne les rendrai pas de mon plein gré malheureuses alors qu'elles peuvent ne pas l'être. Enfin, vous voici tout à fait sincère. C'est de vous qu'il s'agit, et de votre bonheur. Votre bonheur, êtes-vous une femme ? Laissez le trône à mon cousin de Bragance. Il est friand de ces morceaux-là. Qu'on les donne à qui les aime, non à qui les a en horreur. Assez d'absurdité. En vous, ma suite et ma mémoire, même si vous n'en voulez pas, même si vous n'en êtes pas digne. Réfléchissez encore. L'infante qui est si attentive à ce qui lui est dû, pourtant à présent premier mouvement de chaleur, a accepté de feindre. Elle demeurera ici pendant le temps des fêtes organisées en l'honneur de son frère et d'elle. Vous avez donc 5 jours pour vous décider. Dans 5 jours, vous me direz si vous épousez l'infante. Sinon... Sinon ? Pedro, je vais vous rappeler un petit épisode de votre enfance. Vous aviez 11 ou 12 ans. Je vous avais fait cadeau pour la nouvelle année d'un merveilleux petit astrolabe. Il n'y avait que quelques heures que ce jouet était entre vos mains quand vous apparaissez, le visage défait, comme prêt aux larmes. Qu'y a-t-il ? D'abord, vous ne voulez rien dire. Je vous presse. Enfin, vous avouez. Vous avez cassé l'astrolabe. Je vous dis tout ce que mérite une telle sottise, car l'objet était un vrai chef-d'œuvre. Durant un long moment, vous me laissez faire tempête, et soudain, votre visage s'éclaire, vous me regardez avec des yeux pleins de malice, et vous me dites « Ce n'est pas vrai. L'astrolabe est en parfait état. » Je ne comprends pas. Mais alors pourquoi ? Et vous, avec un innocent sourire, « Sire, j'aime bien quand vous êtes en colère. » C'était pour voir. Pour voir quoi ? Pour voir ce que vous diriez. Eh bien, mon cher fils, et c'est là que je voulais en venir. Si à 12 ans vous étiez si insensible à ma colère, je vous jure par le sang du Christ qu'à 26 ans, elle vous fera trembler. Ah, vous n'êtes pas bon, mon père. Si ? Je suis bon quand il me plaît. Sachez que parfois le cœur me vient dans la bouche de bonté. Tenez, il m'arrive quand je viens de duper merveilleusement quelqu'un, de le prendre en pitié, le voyant si dupe, et d'avoir envie de faire quelque chose pour lui. De lui lâcher un peu de ce qui ne vous importe pas, l'ayant bien dépouillé de ce qui vous importe. C'est cela même. Et si vous me châtiez ? Épargnerez-vous Inès ? Encore une fois, vous et Inès, je ne reproche pas votre liaison. Elle m'était connue, je ne la blâmais pas. Je vous reproche, à vous, de ne vouloir pas épouser l'infante. C'est tout. Allons, j'ai fini ce que j'avais à vous dire, vous pouvez vous retirer. Mon père, après des paroles si graves, me retirerai-je sans que vous m'embrassiez ? Embrassons-nous si vous le désirez. Mais ces baisers entre parents et enfants, ces baisers dont on se demande pourquoi on les reçoit et pourquoi on les donne... En ce cas, inutile. Vous avez raison, inutile.